إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui avec les frères ici à Charleroi, la ville de Charleroi en Belgique. Et alhamdulillah, donc on va continuer dans l'explication des paroles des ulama, des salafs, au sujet de leur attitude envers les gens de la bid'ah, dans le livre du Cheikh Khalid al-Zufayri, son livre qui s'intitule « Ijma' al-Ulama ala al-Hajri wa al-Tahziri min ahli al-Ahwa », c'est-à-dire le consensus des ulama au sujet du fait de s'écarter et de mettre en garde contre les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de l'innovation, les gens de bid'ah. Et on était arrivé au chapitre 4, et dans ce chapitre, le cheikh énumère différentes paroles de différents parmi les imams qui mentionnent l'ijma des salafs sur cette question-là, c'est-à-dire qui mentionnent le consensus des salafs au sujet du fait de s'écarter des gens de bid'ah et de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les fréquenter et de les boycotter. Que ça fait partie de leur méthodologie et de leur voie, et qu'ils étaient tous d'accord sur ce principe-là. Il n'y a pas de divergence entre eux sur ça. Donc, on était rendu à l'explication du cheikh où il citait les paroles de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et donc il cite aussi d'autres clarifications et d'autres explications au sujet de ces paroles-là. Il dit ensuite que l'imam Ahmad, donc dans la parole de l'imam Ahmad, il y a la plus grande réfutation au sujet de toute personne qui voudrait se mélanger avec les gens de bid'ah ou fréquenter les gens de bid'ah sous prétexte ou avec comme argument le fait qu'il essaie de les ramener, de les corriger, de les ramener à la droiture, ou de vouloir leur faire al-inkar, c'est-à-dire de vouloir condamner ou dénoncer le mal qu'ils font. Parce que, bien entendu, c'est pas nécessaire de les fréquenter pour faire ça. Et qu'est-ce qui arrive en général lorsque quelqu'un se met à les fréquenter? C'est qu'il devient comme eux. Parfois même, il devient comme eux sans même s'apercevoir qu'il est en train de devenir comme eux. Et il y a un exemple d'une parole. Donc l'imam Ibn Battah, il a mentionné une parole qui clarifie ça, et il a supporté cette parole par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné plusieurs fois au sujet du Dajjal, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man sami'a minkum bi khuruj ad-dajjal falyana anhu C'est-à-dire que lorsque vous entendez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez de la sortie du Dajjal, que le Dajjal est sorti, alors allez-vous, sauvez-vous ou allez-vous dans l'autre direction, dans une autre direction, tant que vous en êtes capable. Parce que quelqu'un va se penser croyant, il va croire qu'il est croyant, qu'il a la foi forte, c'est-à-dire qu'il est capable de résister au Dajjal et de repousser ses shubuhat, puis il va continuer, donc il va aller vers lui jusqu'à ce que il devienne hein, égaré à cause de ça et qu'il le suive. Il va commencer à suivre le Dajjal hein, à cause des différentes shubuhat que le Dajjal va lui lancer. Donc, c'est un exemple pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit appliquer seulement avec le Dajjal. C'est un exemple qu'on doit appliquer avec toute personne qui emploie des shubuhat pour essayer d'égarer les gens et les faire dévier de la sunna. Et c'est pour ça que les salafs ont mentionné ce hadith et qu'ils ont utilisé ce hadith-là comme preuve au sujet des gens de l'innovation et qu'on ne doit pas rester avec eux à cause de leur shubuhat qui risque de nous faire dévier ou de nous faire sortir du droit chemin. Il dit également wa qala rahimahullah, cette parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le véridique, celui qui est cru dans ce qu'il a mentionné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, ô vous les musulmans, ô assemblée de musulmans, yani, que quelqu'un ne se pense pas en sécurité par rapport à lui-même dans sa croyance ou dans sa foi, hein, et dans sa connaissance et dans ce qu'il a connu de la véracité de la voie qu'il suit, au point justement de tomber dans le danger de s'asseoir avec les innovateurs et les gens de la passion. Et il dit par exemple, je vais juste rentrer pour aller débattre avec lui et pour essayer d'extraire son madhhab ou d'extraire son manhaj pour savoir c'est quoi sa croyance. Hein? Je vais aller m'asseoir avec lui juste pour savoir c'est quoi son manhaj. Je veux savoir c'est quoi sa aqida, c'est quoi son manhaj, c'est quoi sa méthodologie, c'est quoi sa voie, c'est quoi son idée. Ou bien, il y a des excuses pareilles. Hein, parce que ça, c'est une des plus grandes fitnas. Et le cheikh, il dit que c'est une fitna qui est plus grande même que la fitna du Dajjal parfois. Parce que leur parole, elle est plus contagieuse que la gale. Leur parole est plus contagieuse que la gale. Et elle est plus brûlante pour les cœurs que les flammes du feu. Donc, c'est-à-dire quelqu'un doit s'en écarter et s'en méfier et s'éloigner de ça. Et il dit, j'ai vu un groupe d'entre eux qui auparavant les insultait et les maudissait. Il les insultait et les maudissait. En parlant des gens de bid'ah, c'est-à-dire des gens de la sunna qui avaient l'habitude de maudire les gens de la bid'ah et qui avaient l'habitude de les insulter. Puis ils se sont assis avec eux dans le but de les réprimander, de condamner ce qu'ils faisaient et pour les réfuter. Et ils ont continué à rester avec eux et à rire avec eux, à discuter avec eux jusqu'à ce que ils se fassent prendre. Ils sont rentrés dans différentes subtilités des ruses des gens de bid'ah, certaines formes de kufr subtiles, et ils sont devenus membres de ces gens-là. Et ils sont rentrés avec eux. Donc tu vois ça, des frères parfois ils disent, ah non, mais je vais juste m'asseoir avec eux pour discuter. Que ce soit avec des takfiriens, que ce soit avec des khawarij, que ce soit avec des murjia, que ce soit avec des soufiens. Et il dit, ça y est, c'est des gens de bid'ah, il les insulte, il les déteste. Puis il s'en va s'asseoir avec eux, il dit, je vais les ramener à la sunna, je vais débattre avec eux. Et puis tu vois que, après quelques temps, il commence à changer. Et à un moment donné, tu le vois, il commence à s'écarter des gens de la sunna, à s'éloigner de plus en plus des salafiyins. Et tu vois que il change, il a complètement changé. Et c'est arrivé à des gens qu'on connaît. Je me rappelle, il y a plusieurs années auparavant, il y avait une page internet où tout le monde retournait pour trouver les différents sites salafis. Et c'était comme une page de démarrage. Les gens, comme s'ils voulaient dire, comme chaque fois qu'ils voulaient trouver une référence par rapport à un site salafi, ils allaient sur cette page-là. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on remarque? Cette page, qui était une page de présentation pour trouver les sites salafis, est devenue une page pour les sites de bid'ah. Et la personne est devenue un mubtadi'a. Donc elle a changé sa page et, devenu, et cette page est devenue une page de bid'a. Donc qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Elle a côtoyé des hizbiyyin, elle a côtoyé des soufiyyin, elle a côtoyé d'autres gens d'innovation, jusqu'à ce que ces personnes-là lui lancent des shubuhat, et il est devenu un d'entre eux. Alors qu'auparavant, il défendait la salafiyya et la sunna. Donc ça, c'est des explications qui nous montrent le danger. Et pour montrer à quel point c'est dangereux de rentrer même dans des argumentations et des débats avec ces gens-là, et à quel point ça peut nous amener loin dans l'égarement, l'imam al-Lalakai, dans son livre Un Sharh Usul al-Intiqad al-Sunnah wal-Jama'a, il mentionne à propos du danger de ça, de débattre avec les gens de l'innovation et les conséquences que ça peut amener comme danger. Il dit que les musulmans n'ont pas fait un tort à eux-mêmes plus grand ou un crime contre eux-mêmes plus grand que le crime de vouloir ou d'avoir voulu débattre avec les innovateurs, avec les gens de bid'ah. Donc ils ne sont pas tombés, parce que auparavant les ulama des salaf, ils refusaient toujours de s'asseoir avec les gens de bid'ah, même pour débattre avec eux. Et dans le fait de s'abstenir de débattre ou de discuter avec eux, il y avait dans ça une force, hein, une force contre eux et une humiliation pour eux. Et donc quand les salafs refusaient même de leur adresser la parole ou même de leur répondre ou même de leur parler, eh bien c'est quelque chose qui humiliait les gens de bid'ah, hein, parce qu'ils se disaient ils veulent même pas discuter avec nous, ils veulent même pas parler avec nous, ils veulent même pas débattre de ces questions-là avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs, ils savent qu'ils sont sur le haq et ils vont pas rentrer dans des débats avec des gens qui sont clairement dans l'égarement. Donc il y avait dans le fait d'agir de cette façon-là, hein, un respect pour les gens de la sunna parmi les salafs. Et les gens de bid'a mouraient de rage à cause de cette attitude des salafs envers eux. Et ils mouraient également de rage et ils étaient remplis de tristesse par rapport à, hein, et d'énervement par rapport au fait que les gens de la sunna les ignoraient complètement. Et ils ne trouvaient aucun moyen de faire paraître leur bid'a et de présenter leur bid'a aux gens. Ils trouvaient aucune voie possible pour la faire paraître aux gens ou la présenter aux gens, parce que personne ne voulait les écouter. Personne leur donnait leur prêtait oreille. Et ils n'avaient pas d'auditoire. Hein? Et les ulama leur donnaient pas la possibilité. Les ulama de la sunna leur donnaient pas cette possibilité-là. Il dit ensuite, sont venus des gens qui se sont laissés tromper. Hein? Qui se sont laissés tromper par ces gens-là. Et ils leur ont ouvert une voie et une porte, hein, vers la propagation de leur bid'a. Et ils ont été en même temps des gens qui ont, disons, facilité ou amené une voie vers la destruction de l'islam en voulant rentrer dans ces discussions et dans ces débats avec les innovateurs et les mubtadi'a. Et c'est avec ces débats que leur bid'a est devenue apparente, hein, et qu'elle s'est propagée, et que les gens ont entendu leur bid'a, et qu'elle s'est propagée parmi les gens du commun, de la masse des musulmans. Hein? Et donc, ça a eu comme conséquence tout ce que ça a eu par la suite de la propagation de la bid'a à cause de ça. Le Cheikh Al-Allama Ubaydillah ibn Abdus Salam Al-Mubarak Furi, il dit à ce sujet, après avoir mentionné les paroles de l'imam Al-Lalakai, l'imam Al-Mubarak Furi, il dit qu'il parle de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalab bisahibihi wala yabqa minhu araqun aw irqun wala mafsalun إلا دخله. Donc le cheikh il mentionne ce hadith du professeur sallam qui est déclaré sahih par Cheikh Al-Albani dans As-Sunna de l'imam Ibn Abi Asim. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont sortir dans ma umma et les passions vont couler en eux de la même manière que la rage lorsque quelqu'un a été mordu par un chien enragé. Donc les passions coulent en eux de la même manière que la rage lorsque quelqu'un a été atteint de cette maladie. Et il ne reste aucune partie de son corps, aucune articulation, excepté que la rage rentre en lui et l'envahit. Donc ça décrit la réalité et la situation des gens de Bid'a. C'est comme des gens qui sont enragés. Et en même temps, quand je pense à ce hadith-là, ça me fait penser en même temps aussi à qu'est-ce qu'on montre parfois quand on parle des gens qui sont quand on parle des zombies. Vous avez tous entendu parler des zombies, des gens qui sont pris par il y a quelque chose. Ils sont, quand ils mordent une personne, l'autre personne devient comme ça. Et puis après, chaque personne qui se fait mordre devient un zombie elle aussi. Donc les gens de Bid'a sont un peu de cette sorte-là, comme des gens enragés. Les gens qui ont été mordus par un chien enragé deviennent comme des zombies, et puis c'est comme ça. Il n'y a pas une partie de leur corps, excepté que la Bid'a, elle rentre en eux. Hein? Et Cheikh Al-Mubarak Fouri, il dit à ce sujet, au sujet de ce hadith, que dans cette ressemblance entre la personne enragée et le Mubtada', il y a des bienfaits. Premièrement, il y a le fait de mettre en garde contre le rapprochement avec les gens de la passion et de ne pas se rapprocher d'eux. Et il y a aussi la clarification du fait que cette maladie-là, comme la rage, eh bien, c'est quelque chose qui est contagieux. C'est-à-dire que ça se propage. Hein? Donc c'est pas quelque chose qui, comme il y a des gens, on peut avoir certaines maladies, mais même si tu te mélanges aux gens, les gens vont pas l'attraper. Tandis que cette maladie-là, c'est pas le cas. Elle se propage entre les gens. Donc c'est encore plus dangereux. Et ça montre à quel point il faut prendre des précautions vis-à-vis des gens de Bid'a. Et il dit qu'à la base, cette maladie qu'on appelle Al-Kalab, elle vient chez le chien. Hein, elle apparaît chez le chien. Mais que ce chien-là, lorsqu'il mord quelqu'un, la personne devient comme le chien enragé. Hein? Et vous avez vu des chiens, quand ils sont enragés, ils ont toute la bave qui coule dans leur bouche et tout. Donc c'est comme, hein? C'est comme ça. Eh bien, la personne qui se fait mordre par ce chien-là, il devient comme ça aussi. Et il n'est plus capable de s'en séparer, excepté, hein, en général, excepté par la mort. Hein? Et il dit la même chose pour le Mubtada'. Hein? La même chose pour le Mubtada'. Il dit, lorsqu'il a amené son opinion à quelqu'un et propagé sa bid'a, ou influencé quelqu'un à penser de la même manière que lui, eh bien, c'est rare qu'il va en être épargné. Hein? Il risque de rentrer dans la même voie que lui. Et il va, soit qu'il va rentrer dans sa bid'a et dans sa secte, et qu'il va devenir un de ses partisans, ou bien qu'il va rester, mais avec toujours un doute dans son âme et dans son cœur. Hein? Et il ne sera jamais capable de s'en débarrasser de ce doute. Hein? Et ça, c'est contrairement au péché. Parce que la personne qui commet un péché, ou bien une personne qui connaît des gens qui sont sur un péché, ou qui font certains péchés, eh bien, ce péché-là ne va pas l'affecter. Sauf s'il fréquente cette personne-là vraiment longtemps et qu'il devient très très proche de cette personne et qu'il prend l'habitude d'être en présence de lui lorsqu'il fait ce péché-là, et ça peut arriver par la suite qu'il tombe lui aussi dans ce péché-là. Donc c'est différent du Mubtada'. Hein? L'influence par le péché est moins directe, est moins grande et moins dangereuse que l'influence dans les bid'a, dans les shubuhad et dans les pensées. Même s'il peut quand même aussi y avoir des influences dans le péché aussi, parce qu'il y a des gens qui sont faibles, ils peuvent se faire influencer et tomber dans le péché à cause de l'influence des autres. Mais dans les bidats et dans les croyances et dans les idées, ça c'est encore plus dangereux. Et donc il dit, le Cheikh Al-Mubarak Fouri, que c'est pour cette raison-là que les salaf al-salih ont interdit aux musulmans de s'asseoir avec les gens de bidat, de discuter avec eux, et de parler avec eux, et qu'ils ont ordonné d'être rudes dans ces choses-là et d'être sévères, d'être stricts dans ces questions-là. Donc ça c'est dans son livre Mir'at al-Mafatih. Ensuite il dit, et on va mentionner également d'autres points à ce sujet-là dans la parole de l'imam al-Hajuri, celui qui a écrit le livre al-Sharia. On va en parler plus en détail lorsqu'on arrivera à son exemple et à sa parole. Et d'autres également parmi les imams. Il dit, en ce qui concerne les livres des ulama et des tulab al-ilm qui sont arrivés à un niveau de maîtrise dans les sciences de l'islam et dans l'aqida, et qui écrivent des livres pour réfuter les innovateurs et pour expliquer leurs égarements et la fausseté de leur voie, lorsque d'écrire ce genre de livre-là est nécessaire, eh bien ça peut même faire partie des choses qui sont obligatoires. Parce que de réfuter les faussetés, les bédards, les égarements et les innovations, ça fait partie des obligations dans la religion de l'islam. Et même que ça fait partie du jihad, fi sabilillah. Et que celui qui fait ça, il est un mujahid, fi sabilillah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit justement à ce sujet-là dans Majmou' al-Fatawa, que l'exemple des imams de la bid'a et des gens qui ont ramené des paroles dans la religion qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou des expressions contraires au Coran et la Sunna, le fait de clarifier l'état de ces gens-là et de mettre en garde la Ummah par rapport à ce qu'ils font et à leurs croyances, c'est une obligation. Le fait de mettre en garde, de mettre la Ummah en garde contre eux, c'est une obligation. Bittifaq al-Muslimin. Ça, il y a l'accord des musulmans là-dessus. C'est-à-dire, tous les savants de l'islam sont tous d'accord sur ça. Et on a même dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'homme, il jeûne et il prie. Et il fait l'i'tikaf. Est-ce que ça, c'est meilleur pour lui, ou bien qu'il parle contre les gens de bid'ah? Il dit, s'il prie et il jeûne et qu'il fait l'i'tikaf, il fait la retraite dans la mosquée pour faire l'adoration, il reste à la mosquée pour faire l'adoration pendant un certain temps, comme dans la sunna, ça c'est pour lui-même qu'il le fait. C'est des bonnes actions qu'il fait, mais c'est des bonnes actions qu'il fait uniquement pour lui-même. Tandis que s'il parle contre les gens de bid'ah, eh bien c'est un bienfait qui va revenir à tous les musulmans. Et donc ça c'est meilleur. De parler contre les gens de bid'ah, c'est meilleur. Et il a expliqué que le bienfait donc de ça c'est général, tandis que la personne qui fait des bonnes actions pour elle-même c'est particulier. Et donc ce bienfait qui est général dans leur religion ou pour leur religion, ça c'est de la même catégorie que le jihad fi sabilillah, puisque ça purifie le sentier d'Allah, ça purifie la religion d'Allah et sa voie et sa législation. Et de repousser la transgression et l'injustice de ce genre de personnes, c'est une obligation pour ceux d'entre les musulmans qui en ont la capacité, selon l'accord de tous les musulmans. Et si quelqu'un ne faisait pas ça, c'est-à-dire si quelqu'un parmi les savants de l'islam ne se tenait pas contre les innovateurs pour défendre l'islam, eh bien le mal de ces gens-là amènerait à la destruction et à la corruption de la religion d'Allah. Et la corruption qui est amenée par ces gens-là, par les gens de bid'ah, dans la religion de l'islam, c'est plus grave que la corruption qui est ramenée par des ennemis qui viennent avec les armes pour prendre le dessus sur les terres de l'islam, parmi les gens qui font la guerre aux musulmans. Parce que les gens de, il y en a parmi les koufars par exemple qui viennent, qui sont les ennemis extérieurs des musulmans, qui viennent avec leurs armées pour prendre le dessus sur les terres des musulmans, eh bien ils ne vont pas commencer directement par la corruption des cœurs. Ils commencent par le fait de prendre le contrôle, puis par la suite, par conséquence, ils vont corrompre les cœurs. Tandis que ces gens de bid'ah, qui sont en réalité les ennemis intérieurs de l'islam, eux commencent directement par la corruption des cœurs. Et donc, leur danger est plus grand. Puisque, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ces gens-là qui sont en, à l'intérieur de la Ummah et qui représentent les ennemis de l'islam à l'intérieur, leur danger, c'est comme des, le danger des munafiqines. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils sont, disons, à l'intérieur de la Ummah et ils ouvrent les portes pour les ennemis de l'extérieur. Hein? C'est comme si les musulmans sont dans une forteresse et puis qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont parmi des ennemis, mais on ne le sait pas parce qu'ils sont camouflés ou cachés. Et les ennemis de l'extérieur, parmi les koufars et les mouchriquines, eux essaient de rentrer mais ils ne sont pas capables. Alors ces gens-là, parmi les mubtadi'a et les munafiqines, viennent et ouvrent les portes des forteresses, puis ils disent aux koufars et aux mouchriquines, venez, entrez à l'intérieur. Et ils aident les ennemis de l'extérieur pour détruire l'islam et les musulmans. Et ils commencent par les, la corruption des cœurs. Hein? Et vous allez voir tout le temps que les koufars, en général, ils utilisent toujours les mubtadi'a et les hizbiyin et les munafiqin pour combattre les musulmans de l'intérieur. Hein? Et, c'est, et, ils font, et ces gens-là font beaucoup plus de tort à l'intérieur de la Umma que les koufars réunis. Ensuite, le cheikh dit également, cheikh l'islam ibn Taymiyyah, il dit, celui qui réfute le, l'innovateur, il est un mujahid. Celui qui réfute un innovateur, un, les gens de bid'ah, ahlul bid'ah, il est mujahid. Même que l'imam Yahya ibn Yahya, un des salafs, il disait, la défense de la sunna est meilleure que le jihad. Al-zabbu an sunna afdalu min al-jihad. Pourquoi? Parmi les ulama, ils ont expliqué ça. Ils ont dit que le jihad avec les armes, lorsque les musulmans vont combattre les kuffars avec un dirigeant musulman et avec l'armée des musulmans qui vont combattre les armées des kuffars et des mouchriquins, ce combat-là, tout le monde peut le faire. Même si une personne fait des péchés, hein, même s'il est ignorant de l'islam, mais qu'il est sous le commandement d'un dirigeant musulman et qu'il fait partie de l'armée des musulmans, il peut combattre et prendre une arme et tirer comme tout le monde. Donc ça, tout le monde parmi les musulmans peut le faire. Les savants, les pieux, alaykoum salam wa rahmatullah, les savants et les pieux, les ignorants et les pécheurs. Alaykoum salam. Tandis que, faites un peu d'espace pour les frères qui rentrent. Non. Tandis que le djihad contre les mubtadi'a et de défendre l'islam contre les ennemis de l'intérieur, ça, c'est seulement les ulama qui peuvent le faire. Personne d'autre. Hein? Et ensuite, le cheikh, il mentionne donc une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, ça c'est tiré de son livre As-Sawa'iq al-Mursala al-Jahmiya wal-Mu'attila. Il dit, si tu médites sur les paroles d'innovation et d'égarement ramenées par les différentes sectes comme les Qaramita, les Malahida, les Falasifa, les philosophes, les groupes ésotériques, les sectes, différentes sectes ésotériques qui sont en dehors de l'islam, comme les Ismaïliyyah, les Nusayriyyah, les Druzes et autres, et les Rafidah, et les Qadariyyah, et les Jahmiyyah, tu regardes leurs paroles et leurs croyances, hein, et leurs innovations qu'ils ont ramenées dans l'islam, et tous ceux qui ont suivi la voie de ces gens-là parmi ceux qui les suivent aveuglément. Et tu vois qu'est-ce qu'ils ramènent, hein, dans leur tu vois tout ce qu'ils ont comme verdict et qu'est-ce qu'ils ramènent comme signification qu'ils attribuent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des interprétations fausses de la religion. Eh bien, il n'y a pas grande différence entre ça et l'exemple des hadiths fabriqués que les gens de Bid'ah inventent, qu'ils attribuent faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Des hadiths qui sont faux, qui sont fabriqués et qui sont prononcés par ceux qui mentent, hein, à propos de, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre ceux qui inventent des croyances et des interprétations fausses de l'islam et ceux qui inventent des faux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la différence, c'est juste que ceux-là, ils inventent, ils écrivent des termes, des mots, et ils disent ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des significations au texte, puis ils les attribuent à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce que ces deux groupes là font? C'est la même chose. Ceux qui inventent des hadiths faux pour défendre des fausses croyances, ils les attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres qui peut-être ne vont pas, par exemple, inventer des faux hadiths, mais qui vont prendre des hadiths et essayer de leur donner une fausse interprétation. Ou des versets et leur donner une fausse interprétation. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les deux, dans les deux cas, c'est comparable. Hein? Et il dit donc, ces gens-là sont des gens qui ont ramené une grande épreuve, une grande fitna, hein, dans la religion. Et les deux représentent, pour le Coran et la Sunna, une grande épreuve et un grand malheur pour l'islam. Et ce sont les deux groupes, sont deux ennemis de l'islam qui font des ruses contre l'islam, hein, et qui se détournent du droit chemin et qui font de l'injustice, hein, envers le Coran et la Sunna. Puis par la suite il dit, et de dévoiler, hein, les erreurs et les égarements cachés de ces gens-là, et de les humilier publiquement, et de montrer la fausseté de leurs règles, c'est une des meilleures formes de jihad dans le sentier d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hassan ibn Thabit, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un poète, et il écrivait des poèmes pour répondre aux mushrikins. Quand les mushrikoun écrivaient des poèmes pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de l'islam, se moquer des musulmans, eh bien, lui, Hassan ibn Thabit, il écrivait des poèmes et des satires pour se moquer des mushrikins et du shirk qu'ils faisaient. Et pour se moquer de, hein, leur égarement et pour les réfuter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hassan ibn Thabit, là, l'Esprit Saint est avec toi, tant que tu défends son prophète, son messager. Et il lui disait, hein, comme si, combat-les et affronte-les, et Jibril est avec toi. Hein. Et il lui disait, oh Allah, il faisait un dua, il disait, oh Allah, supporte-le par l'Esprit Saint, tant qu'il défend ton messager. Hein. Et il disait à propos des satires et des poèmes que Hassan ibn Thabit écrivait contre les mushrikins, il disait, par celui qui tient mon âme en sa main, elles sont plus dures contre eux que les flèches. C'est-à-dire ces poèmes-là que Hassan ibn Thabit écrivait contre les mushrikins pour les réfuter et pour se moquer d'eux et pour les ridiculiser et les humilier et les dénigrer, c'était plus dur contre eux que les flèches. Et ça, c'est tiré du livre As-Sawa'iq al-Mursala, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Ibn al-Qayyim, il dit également aussi dans At-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, en parlant des plumes qui écrivent par rapport à l'islam, il mentionne la 12e exemple de plume ou de crayon ou de plume qui écrit pour la religion. Il mentionne que c'est la plume qui réfute les faussaires et les gens qui défendent le faux. et qui contredisent la sunna ou l'islam. Donc il dit, cette plume-là qui réfute ces gens-là et qui dévoile la fausseté de ces gens-là dans toutes leurs catégories, toutes les sortes de fausseté qu'ils peuvent ramener, et qui montre leurs contradictions et comment leurs idées se détruisent les unes les autres, et qui montre comment leur fausseté est loin de la vérité, et comment ces gens-là sont rentrés dans la fausseté et dans ce qui est bâtil. Il dit que ces plumes-là, c'est comparable à un roi par rapport à la population, par rapport aux gens ordinaires. Et les gens qui ont cette plume-là et qui font ça avec, eh bien, ce sont les gens qui font donner la victoire à la preuve qui est ramenée par les messagers d'Allah, et qui combattent les ennemis, et qui invite à Allah par la sagesse et la bonne exhortation, et qui discute et argumente contre toute personne qui sort de la voie avec toutes sortes de faux arguments. Donc les gens qui ont cette plume et qui déclarent la guerre à toute personne qui essaie de défendre la fausseté et qui contredit les messagers, eh bien eux, ils font un travail. Et le reste des autres personnes font un travail différent. C'est-à-dire, ce travail-là, c'est un travail par excellence. Il n'est pas comparable à ce que les autres font. Donc, ça nous montre que le fait de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les innovateurs, contre les mubtadi'a, et de les réfuter, ça fait partie du djihad. Et que ce djihad, il n'y a que les ulamas de l'islam qui peuvent le faire, et les ulama en particulier de l'islam qui suivent la voie des salafs salih et qui suivent cette voie là et cette compréhension là et que c'est ceux là qui font le plus grand djihad dans cette umma, tandis que les autres personnes qui vont faire par exemple le djihad avec les armes, ils ne sont pas capables de faire ce djihad là parce qu'ils n'ont pas la science nécessaire ni la compréhension nécessaire pour le faire. C'est pour ça que ceux parmi les égarés ou les ignorants, parmi les takfiriyin et les djihadiyin à notre époque, qui se moquent des ulama de la sunna et qui essaient de les dénigrer en disant d'eux que ce sont des gens qui ne vont pas faire le djihad sur le terrain, qui vont pas rencontrer l'ennemi avec les armes, des choses de ce genre, ça prouve uniquement leur égarement et leur ignorance. Parce que le djihad que les ulama de la sunna sont en train de faire contre les innovateurs, c'est un des plus grands djihads. Et si ce n'était pas de leur djihad à eux, les gens qui portent les armes ne pourraient même pas faire le djihad non plus. Parce qu'ils feraient le djihad sur quoi? Et contre qui? Et contre quoi? Sans avoir la compréhension de qu'est-ce que c'est la différence entre la sunna et la bid'a, entre le shirk et le tawhid. Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre l'importance des ulama d'Ahl al-Sunnah et comment on doit les défendre, les respecter et les aimer, et répondre à ceux qui jettent des accusations fausses contre eux parmi les khawarij de notre époque. Le Cheikh il dit, وَقَالَ وَاصِفًا أَهْلَ السُنَّةِ. Il a dit également, en décrivant les gens de la Sunna, combien de gens qui ont été atteints par les flèches de Iblis que ces gens-là ont fait revivre. Combien d'entre ceux qui ont été égarés parmi les ignorants que ces gens-là ont ramenés à la guidance et les ont ramenés à la bonne orientation. Combien d'innovateurs dans la religion d'Allah ont été atteints par Shuhab, c'est comme les bolides, les étoiles filantes qui sont lancées. Et donc ils ont été frappés par ces étoiles filantes qui ont été lancées dans le djihad fi sabilillah par ces ulama-là. Et ils le font uniquement dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il mentionne également dans An-Nuniyah, Nounia, c'est le poème dont j'ai parlé dans les derniers cours quand j'étais à Mons. J'ai expliqué que l'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Nounia, qui est composé de 6000 vers dans lequel il réfute les égarés de, et des gens de différentes sectes parmi les gens de Bid'ah. Et il défend la croyance d'Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet des attributs d'Allah et de d'autres aspects de la religion. Dans ce livre-là, il dit deux vers. Il dit « وَهَذَا وَنَصْرُ الدِّينِ فَرْضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِفَايَةِ بَلْ عَلَى الْأَعْيَانِ وَبِيَدٍ وَإِمَّا بِاللِّسَانِ فَإِنْ عَجَزْتَ فَبِالتَّوَجُّهِ وَالدُّعَاءِ بِجَنَانِ » Ça veut dire que la défense de la religion, c'est une obligation qui est obligatoire, non pas pour uniquement une partie d'entre les musulmans, mais pour les musulmans de façon générale. Chaque individu musulman a cette obligation-là, c'est-à-dire de défendre la religion. Puis ensuite, il explique qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit, selon les degrés qu'on connaît, parmi les degrés de changer le mal et d'ordonner le bien, c'est-à-dire soit avec la main ou la langue, ou bien, si tu ne peux pas le faire par la main ou la langue, eh bien, par ton cœur et en faisant des doigts. Ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Donc, c'est une obligation pour chaque individu musulman selon le niveau de connaissance qu'il a et selon la capacité qu'il a. Et c'est une obligation pour lui. Il dit, donc il dit après avoir mentionné ça, il dit en ce qui concerne la parole de l'imam Ahmad, lorsqu'il dit que c'est pas permis d'écrire un livre et de rassembler des livres ou des choses de ce genre, l'imam Ibn al-Qayyim il explique et il clarifie cette situation là, parce qu'il y a beaucoup des salafs qui ont parlé contre le fait d'écrire des livres et de rassembler des paroles dans des livres. Et il explique l'imam Ibn al-Qayyim que l'imam Ahmad a détesté ça dans le sens que ce genre de livres-là peuvent distraire une personne et le détourner du Coran et de la Sunna et de la défense du Coran et de la Sunna. Donc ce genre de livres-là qui contiennent par exemple la défense de la Sunna et la destruction des opinions et des idées et des voix qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, il dit ça, en ce qui concerne ces livres-là, ça, il n'y a pas de problème. Et parfois même que ça se peut que ce soit obligatoire ou recommandé, ou permis, selon la situation. Donc, qu'est-ce qui est mauvais, c'est quand on écrit des livres qui possèdent ou qui contiennent des opinions, qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna. Toutefois, quand c'est le temps de décrire des livres pour réfuter les faussetés, les fausses opinions et les choses qui sont en contradiction avec la Sunna, dans ce cas-là, c'est permis et ça peut même être recommandé, ça peut même être obligatoire ou permis selon la situation. Ensuite, après avoir cité cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que les livres des salafs qui réfutent les gens de la fausseté et de la bid'a sont très nombreux. Et c'est pour cette raison-là que même l'imam Ahmad lui-même, il a écrit des livres à ce sujet-là. Il a écrit un livre « Ar-Raddu ala al-Jahmiya wa al-Zanadiqa ». Et on en a cité des passages dans les citations précédentes. Donc ça prouve que c'était pas pour dire de la part de l'imam Ahmad que c'était blâmable de façon absolue ou totale. Mais que certains de ces livres-là, quand c'est pour réfuter les gens de la fausseté et de l'égarement, que dans ces cas-là, c'est permis. Parce que les salafs, ils n'aimaient pas que d'autres choses soient écrites que le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout autre livre en dehors de ça, ils détestaient. Et ils trouvaient ça détestable. Sauf, comme j'ai mentionné, dans les cas de qu'est-ce qu'on a mentionné, pour réfuter la fausseté. Donc, la réfutation des gens de la passion et de l'égarement et de la bid'a qui contredisent les fondements de l'islam, déjà même dans le Coran, Allah les a réfutés. Donc on peut dire que le Coran en lui-même, il est déjà un livre de réfutation. Il réfute les juifs, il réfute les chrétiens, il réfute les mouchriquins, il réfute As-Sabi'in, il réfute Pharaon et Haman, et il réfute encore beaucoup d'autres personnes. De même que dans la Sunna, on trouve plein d'exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfute des fausses croyances et des paroles qui sont contraires à la vérité. Et il dit, ces livres-là font paraître la vérité et détruisent le faux. Et ils détruisent également les bases donc des gens de l'innovation et de la passion. Donc ils sont comme des donc ces livres de bid'ah ont fait détourner beaucoup de jeunes de la vérité de la sunna. Donc c'est pour ça que c'est important de retourner aux livres des ulama qui réfutent les mubtadi'a, justement pour que les jeunes soient mis en garde contre ce genre de croyance là et que la fausseté puisse être dévoilée, pour qu'on puisse clarifier l'égarement qui est dans ces livres-là. Donc il est obligatoire à tout musulman qui respecte sa religion, qui respecte sa raison, de ne pas de pas mettre sa religion et sa raison sous les pieds des hizbiyins et des politiciens qui propagent toutes sortes de mensonges et de choses fausses à qui ils veulent. Donc les jeunes doivent, et les gens, le musulman qui cherche la vérité, il doit faire des efforts pour étudier les choses, et il doit savoir que les gens de la sunna sont les gens les plus sincères pour les gens. Comme le cheikh il dit, « Fa'ahlu sunna, ansahu nas linnas, ansahu nas linnas, wa anfa'u nas linnas. » C'est-à-dire les personnes les plus sincères pour les gens sont les gens de la sunna. Et les gens les plus bénéfiques pour les autres sont les gens de la sunna. Donc, on passe maintenant à la citation ou à la parole d'un autre parmi les imams. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est les paroles de l'imam Ismail ibn Yahya al-Muzani. Ismail ibn Yahya al-Muzani, qui est mort en l'an 224 et qui était un des compagnons de l'imam al-Shafi'i. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les gens qui prétendent suivre les madahib, les madahib, les écoles de fiqh et de jurisprudence, qui prétendent suivre l'imam al-Shafi'i. Et tu vois que quand ils te présentent leur aqida, ils sont sur la aqida de Abu al-Hasan al-Ash'ari, hein, ou la aqida qui lui est attribuée, qui nie les attributs d'Allah, des choses de ce genre. Donc, ça c'est une aqida qui est innovée, qui n'a rien à voir avec la aqida de l'imam al-Shafi'i. Donc en réalité, ils prétendent suivre l'imam al-Shafi'i, mais ils contredisent l'imam al-Shafi'i dans sa aqida. De même que ceux qui se disent Maliki ou Hanbali ou Hanafi et qui contredisent la aqida des salaf, ces gens-là, ils prétendent suivre ces imams-là, mais ils les contredisent dans leur aqida. Et un des exemples de ça, c'est justement l'imam Ismail ibn Yahya al-Muzani, qui était un des compagnons de l'imam al-Shafi'i. Et quand on lit sa aqida, on voit que sa aqida, c'est la aqida des salaf, et qu'il affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il réfute les innovateurs et les gens de bid'ah qui nient ces attributs-là. Parmi les choses qu'il a mentionnées dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Sharh al-Sunnah » dans lequel il explique sa aqida, comme beaucoup d'entre les imams l'ont fait, eh bien, il mentionne ce principe du fait que il faut s'écarter et s'éloigner des gens de l'innovation. Et le cheikh, il a donc cité cet exemple-là dans son livre « Sharh al-Sunnah ». Et ce livre-là, il a été publié à notre époque. Il a été publié à partir de plusieurs manuscrits, et il y a même des ulama parmi les ulama salafiyins de notre époque qui ont écrit des clarifications et des explications, des shuruh de cette aqida, comme l'imam Cheikh Ahmad al-Najmi et d'autres également qui ont clarifié la signification des paroles qui sont mentionnées dans cette aqida. Donc parmi les éléments qu'il mentionne dans ce livre, il dit que et que les le musulman qui suit la voie d'Ahl al-Sunnah et wal-Jama'a, parmi les exemples de la croyance des salafs, c'est qu'ils se retiennent de faire le takfir des musulmans, des gens de la Qibla, et qu'ils se retiennent de se désavouer d'eux dans ce qu'ils ont ramené comme chose nouvelle, excepté s'ils ont innové ou fait une bid'a qui est égarement. Celui qui a ramené une bid'a d'égarement, alors celui-là, il est sorti contre les gens de la Qibla, contre les musulmans. Et il a quitté la religion. Et on doit se rapprocher d'Allah en se désavouant de lui, et en le boycottant, et en le méprisant, et en s'éloignant de sa bid'a, parce que sa bid'a est plus facile à propager et plus contagieuse que la gale. Al-Jarab. La gale, c'est une maladie contagieuse. Donc les salafs, ils donnent cet exemple-là pour mettre en garde contre les innovateurs et leurs bid'as. Ensuite, le cheikh, il dit, l'imam, il continue plus loin, il dit, ces paroles qu'on a mentionnées et ces actions, c'est des choses, tous les imams de la guidance étaient tous d'accord sur ces choses-là, parmi les premiers d'entre les musulmans. Et toute personne qui s'accroche à cette voie-là et qui le prend comme exemple et comme modèle parmi les musulmans, donc il a reçu le tawfiq d'Allah. Hein. Et les tabi'oun, ceux qui ont suivi les premiers musulmans, ont été, se sont accrochés à ça, eux aussi. Et ils se sont écartés de toute exagération dans la religion. Et ils ont suivi la droiture et ils ont eu le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette voie-là. Et ils n'ont jamais souhaité suivre autre chose que la sunnah. Hein, c'est-à-dire ils n'ont pas diminué rien de la religion au point de s'écarter de suivre la sunnah, et ils n'ont rien non plus rajouté au point de transgresser ou de dépasser la limite de la sunnah. Donc il dit, nous avons donc confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en lui que nous mettons notre confiance, et dans la façon dont nous suivons les traces de nos salafs, c'est vers lui donc que nous dirigeons, et c'est en lui que nous avons l'espoir. Ça, c'est dans les paroles de l'imam al-Muzani dans sa Aqidah. Ensuite, il y a l'exemple des paroles des deux imams qu'on appelle Ar-Raziyain, les deux Razi, parce que les deux venaient de la même ville, la ville de Ray, et ces deux grands imams parmi les imams des salafs, l'imam Abu Zur'a et l'imam Abu Hatim. Et quand on parle d'eux, souvent on les mentionne ensemble, parce qu'ils venaient de la même ville. Et c'était deux parmi les grands imams du hadith et de la sunna. Le premier, l'imam Abu Zur'a, est mort en 264 après la Hijra, et l'autre est mort en 277 après la Hijra. Et l'imam Al-Lalaka'i, dans son livre Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il cite leur aqida dans un des passages où il mentionne les exemples des livres des salafs au sujet de leur aqida et de qu'est-ce qu'ils ont clarifié de la sunna. Et justement, il mentionne l'aqida des deux imams, Ar-Raziyain. Et ce livre-là également, à notre époque, il a été expliqué par plusieurs ulama. Et dernièrement, il y a une nouvelle, justement, édition qui a été publiée de l'explication de cette aqida des deux imams, Abu Zur'a et Abu Hatim, par Cheikh Rabi al-Madkhali, qui a été publiée dernièrement en Algérie. Donc, c'est rapporté, cette aqida, l'imam al-Lalaka, il le rapporte avec la chaîne de transmission jusqu'au fils de l'imam Abu Hatim, qui s'appelait Muhammad, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim. Il dit, j'ai demandé à mon père et à Abu Zur'a, donc à son père c'est Abu Hatim, et à Abu Zur'a, au sujet de la voix des gens d'Ahl-Sunnah dans les fondements de la religion, et de ceux qu'ils ont rencontrés parmi les ulama dans les différentes villes. Et qu'est-ce qu'ils croyaient tous deux à propos de ces fondements-là? Et ils ont dit tous les deux, nous avons rencontré les ulama dans toutes les différentes villes de l'islam à cette époque-là, dans le Hijaz, c'est-à-dire Mecca ou le Medina, en Irak, en Syrie et au Yémen. Et parmi les éléments qui font partie de leur voix, ils ont mentionné plusieurs aspects des principes de Ahlus Sunnah et des croyances de Ahlus Sunnah. Puis ensuite, ils ont dit, قال أبو محمد, j'ai entendu mon père et Abu Zur'a qui tous les deux ordonnaient de s'écarter et de boycotter des gens de la déviation et de la bid'a. Et ils étaient sévères et de la plus grande sévérité à ce sujet-là. Et ils condamnaient le fait d'écrire des livres ou de rassembler des livres qui contenaient des opinions autres que dans les narrations et les hadiths. C'est-à-dire des livres qui contiennent des paroles ou des idées ou des choses qui sont tirées d'autres choses que de la sunna. Et ils interdisaient de s'asseoir avec les gens de kalam, les gens qui parlent de la religion en se basant sur leurs opinions ou sur la philosophie ou sur les bid'a ou autre chose de ce genre. Et ils interdisaient de regarder dans le livre des gens de kalam, dans leur livre également. Et ils disaient, celui qui rentre dans le kalam, il n'aura jamais le succès. Celui qui rentre dans le kalam, il n'aura jamais le succès. Donc le kalam, les gens de kalam, ceux qui nient les attributs d'Allah, ceux qui parlent du qadar, ceux qui rentrent dans n'importe quel ordre parmi les bidats. Donc le shaykh dit, wa qala Abu Muhammad, wa bihi aqulu ana. Hein? Donc Abu Muhammad, après avoir mentionné ça, il a dit, et moi aussi je dis ça. C'est-à-dire la même parole, la même croyance que eux. Et donc ça c'est le fils des deux imams, le fils de Abu Hatim et celui qui demande à Abu Hatim et Abu Zur'a. Il dit, et moi aussi je le dis. Wa bihi aqulu ana. Et Abu Ali ibn Hubaysh al-Muqri, il dit wa bihi aqul. Il dit, moi aussi je le dis. Donc tout ce qui rapporte cette aqida de ces deux imams-là, il dit, moi aussi je le crois. Et même l'imam al-Lalaka'i, il dit, وَبِهِ نَقُولُ. Et nous aussi nous le disons. Et le cheikh qui a écrit ce livre, il dit, قُلْتُ وَبِهِ يَقُولُ كُلُّ صَحِبُ sunnah. C'est-à-dire, et toute personne qui est sur la sunnah, il le dit également. C'est-à-dire, on dit qu'on croit en, qu'est-ce que ces deux imams-là ont mentionné parmi les éléments de la sunnah. Du fait que il y a le consensus des imams des salaf salih, hein, et que ça s'est tiré du Coran et de la Sunna, et que celui qui n'a pas cette position là il ne croit pas en ce qui est, en ce que ces deux imams là ont cru, alors il s'est égaré de la voie et du droit chemin. Alors qu'est-ce qu'il y a après la vérité autre que l'égarement? Qu'est-ce qu'il y a? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ il l'a dalal. Donc ça c'est en ce qui concerne la parole de l'imam Abu Zur'a et de l'imam Abu Hatim. Maintenant on arrive à la parole de l'imam Al-Ajurri, Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein Al-Ajurri, qui est mort en l'an 360 de la Hijra. Il dit rahimahullah dans son livre Al-Sharia, Il est donc obligatoire à toute personne qui s'accroche à ce qu'on a mentionné dans notre livre, que yani le livre, c'est-à-dire la Sharia, de s'écarter de tous les gens de passion, que ce soit les Khawarij, les Qadariya, les Murji'a, les Jahmiya, et toute personne qui s'apparente au Mu'tazila, et également tous les rawafid, hein, les différentes, et tous les gens qui insultent les sahaba parmi les rafida, hein, et qui les insultent et qui les déclarent kuffar, et les nawasib, ceux qui dérespectent les proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute personne que les imams des musulmans ont déclaré mubtadi' sur une bid'a d'égarement. Et dont cela a été correct et véridique à leur sujet, donc il n'est pas permis de leur parler, ou de leur donner le salam, ou de s'asseoir avec eux. Et il dit, et on ne prie pas derrière eux. Hein, et au sujet de la question de ne pas prier derrière eux, ça c'est, si tu as le choix entre le fait de prier dans une mosquée, où l'imam est sur la sunna et la salafia, et un imam qui est sur la bid'a, si tu as le choix entre les deux, hein, dans ce cas-là, tu préfères aller dans la mosquée où il y a l'imam qui est sur la sunna. Mais si tu n'as pas le choix, ou si proche de toi il n'y a qu'une mosquée, et que l'imam qui est dans cette mosquée-là est sur une bid'a, et que sa bid'a, ce n'est pas une bid'a qui a atteint le degré de kufr akbar ou de shirk akbar, dans ce cas-là, c'est permis de prier derrière lui. Puisque les ulama ont expliqué ça et mentionné ça, que c'est permis. Mais si c'est une bid'a de kufr ou de shirk, alors là, dans ce cas-là, c'est pas permis. Comme par exemple quelqu'un qui invoque les morts et qui prie les morts, ou qui fait ce genre de forme de shirk, ou qui pratique du sihr, ou des choses comme ça, dans ce cas-là, c'est pas permis de prier derrière lui. Mais sinon, comme j'ai expliqué, yani, que de façon générale, c'est pas interdit, sauf si tu as le choix, c'est préférable d'aller dans la mosquée des gens de la sunna, et derrière l'imam qui prie, qui est sur la sunna. Ensuite, parmi les éléments qu'il mentionne que le musulman ne doit pas faire par rapport au mubtadi', c'est qu'il ne doit pas épouser un mubtadi'. Donc si quelqu'un est sur une bid'a, il ne doit pas l'épouser. Donc si une femme, par exemple, fait partie des mubtadi', soit qu'elle fait partie des khawarij, des takfiriyin, hein, ou bien qu'elle fait partie des soufis, ou qu'elle fait partie des shi'a rafida, mais tu ne dois pas épouser cette femme. Ou si c'est un homme qui est comme ça, eh bien la femme qui est sur la sunna, elle ne doit pas épouser cet homme. Hein? Et tu ne dois pas non plus donner ta fille ou ta sœur en mariage à un de ces innovateurs-là non plus. Hein? Voilà, لا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه. Et on ne doit pas non plus être partenaire avec ces gens-là, ni interagir avec eux, ni débattre avec eux, ni argumenter avec eux. Et on doit les humilier et les rabaisser. Et si on les rencontre sur un chemin et que tu es capable de prendre un autre chemin, alors prends un autre chemin. Donc ça nous montre comment les salafs, ils étaient sévères envers les innovateurs. Ils prenaient ça sérieux, ils prenaient ça au sérieux. C'est pas un jeu, parce que c'est une question de religion. Et ils savent que leur religion, c'est qu'est-ce qui va déterminer leur sort dans l'au-delà. Que si ta religion, tu dévies dedans et que tu rentres dans une bid'a, tu risques de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala d'une mauvaise façon, hein, et de ne pas être sur la bonne voie dans cette situation-là lorsque tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Jurri? Il dit, et si quelqu'un dit par exemple, pourquoi tu ne débats pas avec lui, ou pourquoi je ne vais pas argumenter avec lui, hein, ou pourquoi je ne vais pas réfuter sa parole, m'asseoir avec lui pour le réfuter. Hein, parce que des fois, par exemple, il y a des gens qui ont des bid'a, et les gens de bid'a en général, c'est des gens, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de bid'a, ils ne sont pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la seule chose qu'ils cherchent quand ils veulent débattre avec quelqu'un, c'est pour gonfler leur nafs. En général, c'est pour ça. Pour se montrer. Parce qu'ils sont remplis d'orgueil et d'arrogance et de fierté. Et donc, ils veulent débattre avec quelqu'un pour montrer leur supériorité, pour montrer qu'ils sont plus intelligents, pour montrer qu'ils sont plus éloquents. Hein? C'est tout. Pas pour trouver la vérité, parce que ce sont des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils veulent appeler à leurs égarements et égarer les gens avec eux. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on répond à la personne qui dit pourquoi on ne peut pas débattre avec ces gens-là? Il dit parce que si tu débats avec eux, tu n'es pas en sécurité que tu entends de lui ou de cette personne qui est sur l'innovation une parole qui va te corrompre le cœur, qui va te tromper avec quelque chose de faux que le shaitan va embellir pour toi et que tu vas penser que c'est vrai. Et sinon, qu'est-ce qui te force ou qu'est-ce qui te pousse à rentrer dans un débat ou dans une argumentation avec ce genre de personne? C'est uniquement dans certains cas où tu veux établir la preuve en présence du dirigeant des musulmans et que tu n'as pas d'autre choix parce qu'on te l'a imposé. Hein? Des situations comme ça, tu veux établir la preuve et tu es en présence d'un juge ou d'un dirigeant parmi les musulmans, dans un pays musulman. Dans ce cas-là, tu vas débattre avec lui, mais pas dans d'autres cas que ça. Comme c'est arrivé à plusieurs, comme à l'imam Ahmad, par exemple, lorsqu'il était devant Al-Ma'moun et que les Mu'tazila voulaient débattre avec lui, hein, et que on le fouettait et on le forçait, et bien là, il répondait quand on lui posait des questions à propos du Coran et de la Sunna et des choses de ce genre. Quand on l'appelait à une bid'a, il disait « Ramenez-moi un hadith ou un verset dans le Coran pour que je le dise. Hein? » En voulant dire « Yanni, je vais dire ce que vous voulez que je dise. » À condition que c'est dans le Coran ou dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon je ne vais pas le dire. Hein? Mais il détestait débattre avec eux ou argumenter avec eux. Et l'imam Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Lorsqu'il a débattu avec des gens de bid'a, c'était parce qu'il avait été interpellé par le dirigeant et que devant le dirigeant, il devait défendre al-haq. Et donc, dans des situations comme ça, il a débattu avec eux. Mais en d'autres cas, il ne débattait pas avec les gens de bid'a. L'imam, ensuite, il dit, donc ça, c'est ce qu'on t'a mentionné. Et c'est la parole également de tous les imams des musulmans qui nous ont précédés. Et ça, c'est en accord avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après cette citation-là, le cheikh Khalid al-Zufairi, il dit que l'imam al-Ajurri, il a mentionné que toute personne qui s'accroche au Coran et à la sunna, et qui s'accroche à ce qui a été mentionné de ça dans le livre que l'imam a écrit, il doit donc s'écarter parmi les éléments qui sont mentionnés, c'est qu'il doit s'écarter des gens de la passion et les boycotter. Et que ça, c'est la base chez les gens de la sunna. Et il n'y a pas un livre parmi les livres des salafs qui a été écrit pour clarifier les fondements de la sunna, excepté qu'ils ont mentionné ce grand principe parmi les fondements. Et que ce grand fondement-là a pour but de préserver les gens contre le danger de la bid'a et contre les gens qui appellent à la bid'a. Puis ensuite, il clarifie que le fait de boycotter et de s'écarter des gens de bid'a peut avoir différentes formes, différentes façons. Comme par exemple de ne pas leur parler, de ne pas leur donner le salam, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas argumenter ou débattre avec eux, et même de ne pas prier derrière eux, comme on l'a expliqué, et de ne pas les marier ou de ne pas leur donner nos filles en mariage. Et même que nous devons agir avec eux avec dureté et les rabaisser et les humilier, ces gens-là. Et en ce qui concerne le fait de rentrer dans des argumentations ou des débats avec eux pour les réfuter, ça, le cheikh il dit, personne n'a à faire ça, excepté pour celui, il dit, personne n'a à faire ça, parce que personne n'est en sécurité pour lui-même contre les choubouhat que ces gens-là peuvent ramener, qui peuvent nous faire périr. Et il dit que ce n'est pas permis de débattre avec eux, excepté pour établir la preuve, contre eux, devant un juge ou un dirigeant. Et ça, c'est l'exemple aussi de ce qu'avait fait un des imams qui s'appelle l'imam Abdul Aziz Al-Kinani. Je pense qu'il a écrit, je pense que c'est lui qui a écrit le livre Al-Haïda. Et aussi l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les salafs, comme j'ai donné comme exemple tout à l'heure. Et ensuite, il a conclu sa parole avec le fait de mentionner que ça c'est un ijma, qu'il y a un consensus des imams et des savants, et aller sur le fait qu'il faut s'écarter et boycotter les gens de bid'a. Et on a mentionné à ce sujet-là beaucoup d'autres paroles qui montrent qu'il est interdit, parmi les paroles des salafs, qu'il est interdit de débattre avec les gens de bid'a et que ça peut amener à des grands dangers. Et il dit que ça c'est contrairement au fait de les réfuter et de clarifier leurs égarements, parce que ça c'est obligatoire de l'expliquer comme on l'a mentionné. Donc il y a une différence entre le fait de débattre avec les gens de bid'a et de les réfuter. Quand tu débats, c'est quand tu t'assois face à face avec eux puis tu commences à échanger. Eux ils disent quelque chose, toi tu réponds. Toi tu dis quelque chose, eux ils répondent. Ça c'est un débat, ça c'est pas permis. Que ce soit en personne face à face, ou que ce soit par téléphone, ou que ce soit par internet, sur des forums ou autres moyens. Parce qu'il y en a des fois, ils pensent que si c'est par d'autres moyens, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Si tu rentres dans les forums des takfiriyin et des khawarij, tu rentres dans le forum des soufis et des gens de bid'a, et tu commences à argumenter avec eux, puis faire des débats avec eux, c'est la même chose. Hein? Ou que tu les appelles au téléphone, que tu commences à débattre avec eux, ils te lancent des choubouhats et tout, ça c'est la même chose. D'accord? Donc tu ne rentres pas dans des débats avec eux. Sauf que si tu veux les réfuter, tu les réfutes, alhamdoulilah. Et c'est pour ça que les ulama, alhamdoulilah, ils ont leur propre site, avec leurs livres et leurs audios, qui réfutent les gens de bid'a. Séparés des sites des gens de bid'a. Et que celui qui cherche la vérité et la réponse aux gens de bid'a, il va directement dans les sites des gens de la sunna, et dans les livres des gens de la sunna, et dans les audios des gens de la sunna. Il ne va pas passer par les débats pour arriver à connaître la vérité. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit que cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné, il a détaillé au sujet du verdict de débattre avec les gens de bid'a, et il dit les salafs peuvent débattre, les salafs peuvent interdire le débat et les argumentations avec les gens de bid'a, en particulier si la personne qui va débattre est faible dans la science et est faible dans la preuve, dans sa réponse de la choubha. Hein? Alors si la personne est faible dans sa science et faible dans la preuve, on craint que cette personne-là, lorsqu'elle va débattre avec l'innovateur, eh bien, ça risque d'amener des conséquences et de corrompre, hein, d'amener de la corruption et des conséquences néfastes pour les musulmans. Donc, dans ce cas-là, on doit interdire à ce musulman-là qui est faible et qui n'a pas d'argument solide de répondre ou d'essayer de répondre aux innovateurs. De la même manière que dans un combat, on va interdire à un musulman qui est faible, qui n'est pas fort physiquement, d'affronter un géant, un costaud, un fort parmi les koufars et les mouchriquins. Parce que ça risque d'amener du tort pour lui et du tort pour les musulmans. Hein? Et il dit de la même manière que, donc, on doit interdire aussi dans les débats contre une personne qui est mu'anid. Une personne qui est mu'anid, c'est-à-dire que même si tu vas lui montrer toutes les preuves et tous les arguments de la vérité et que tu lui établis ça devant lui, puis elle ne va pas l'accepter. Elle va le rejeter. Comme les sophistes. Cheikh, il dit, c'est comme les sophistes. Il dit parce que tout le monde est d'accord que lorsqu'on fait un débat, puis qu'on est arrivé à la fin de ce débat-là, après avoir fait les introductions et clarifié les points nécessaires et expliqué les preuves, et que la personne, l'opposant, rejette ces preuves-là, il refuse de l'accepter, que ça c'est une personne qui est un sophiste, c'est-à-dire c'est une personne qui est mu'anid, elle, elle fait partie des gens qui sont orgueilleuses, arrogantes, qui rejettent la vérité, même si elle est claire. Et donc, on ne doit pas débattre avec cette personne-là par la suite, une fois qu'on a su que cette personne-là est comme ça. Et si c'est une personne qui a un problème dans sa tête, c'est-à-dire une personne qui a une raison qui est corrompue, dans ce cas-là, elle doit être traitée. C'est-à-dire on lui donne un traitement pour essayer de la guérir. Si c'est une personne qui a une incapacité de connaître la vérité et de la reconnaître, et qu'on ne craint pas du tort de cette personne-là, dans ce cas-là, on la laisse. On la délaisse, on ne lui donne pas d'importance. Et il dit que si c'est une personne qui mérite d'être punie, alors, et qu'on a la capacité de faire en sorte qu'il soit puni, c'est-à-dire les dirigeants, les responsables des musulmans vont être capables d'établir sur lui la punition, ils vont le punir, soit par une punition, c'est-à-dire qu'ils vont établir sur lui une peine quelconque, ou bien, même, ça peut aller jusqu'à l'exécution. Parfois, certains innovateurs, ça va aller même jusqu'à l'exécution. Et la majorité des gens, ils ne se soumettent pas à la vérité que s'ils sont contraints à le faire. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que ils ont donc interdit à quelqu'un de faire les débats s'il n'est pas capable d'établir l'obligation qui est reliée à ça, ou que dans le fait de faire ce genre de débat, il n'y a pas de bienfait qui en ressort, et que le méfait qui en ressort va être plus grand. Dans ce cas-là, ils interdisent ce genre de débat, et que ça peut être différent selon la situation. Donc ça revient au masalih et au mafasid. Ok. Mais si c'est un débat qui est fait sur la vérité, dans certains cas ça peut être obligatoire, et dans certains cas ça peut être recommandé, et de façon générale, une discussion ou une argumentation peut être louable ou blâmable, ça peut être un bienfait ou un méfait, ça peut être faux ou vrai, selon la situation. Donc, Inch'Allah, c'est le temps de la prière. Donc, on va s'arrêter maintenant à cette citation-là. Puis, on va reprendre après la prière, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.